barbu par ces nuages. Je pourrais m'allonger, être cette colombe. J'ai juste besoin d'elle pour quitter la pesanteur de la connerie humaine, pour rejoindre les anges. Mon ange, mon ange. C'est dingue ce que la détresse peut te pousser à faire avec une âme. Le cœur de mon corps bat encore. Shampoo, le goût de mon âme. La vie une rose dont il faut accepter les épines. Mais la mienne est fanée, arrosée par le goût de mes larmes. J'ai tout fait pour éviter la famine. Tapisser les murs des diplômes pour une future famille. Mais le destin n'a pas de joystick. Je n'ai fait que semer des trèfles à quatre feuilles en plastique. J'ai pas de mastic. Pour mon passé, cet enfoiré m'a fait bouffer une enclume. Pour pas immerger une rancune qui nourrit mon mal de vivre. Moi je veux être libre. Voilà pourquoi je t'aime tant, calibre. C'était le seul à me faire une pisse sur la tempe. Pour clapper me marie. En costume blanc dans une tombe, un voyage de noces. Pour s'envoyer en l'air, mon fantasme serait que volcaniquement je quitte le système solaire. Être au septième ciel, pour oublier cette solitude qui encombre mes plaies avec un excès de sel. Ces marchands de sable, qu'ont soufflé sur les dunes de rêve qu'ils m'ont vendu. Mon nom aura des marchands de sable. Oui, j'ai pendu l'espoir sur l'arbre de la patience. L'espoir, y'a trop de flammes, j'ai besoin d'essence. J'ai entendu qu'il faut vivre ses rêves, pas rêver de vivre. Moi, je suis Yves de rêve, mais là, c'est moi qui ai Yves, car. Pour pouvoir planer, pour pouvoir caner. J'ai juste besoin d'aide. J'ai juste besoin d'aide. Pour pouvoir planer, pour pouvoir caner. J'ai juste besoin d'aide. J'sais qu'un suicide peut paraître lâche, mais vu le nombre d'innocents dans le monde qui d'entre nous est plus lâche. Celui qui voit des nourrissons en train de mourir, en sachant que d'autres ont des nourrices pour les nourrir ou ces flashs. Info sur Bethléem, la guerre, ceux qui roulent en Bentley ou en Bentley, les mêmes. Pour défendre la paix au monde, dis-toi que les pays riches sont plus des suicides que des mecs qui pèlent au monde, man. Des lâches pour ceux qui me tiennent, l'ascenseur et votre FN. Ceux qui confondent coco avec neurophène. Celui qui soigne l'épidémie des HLM avec la pénitence. Celui qui aime les gosses pour que leur pénis danse. Faut changer ses désirs pour changer le monde. Mais l'égoïsme est le sens le plus développé chez l'homme. Dans le confort de l'esclavage, on se brûle une camelle. Et on suit le cycle normal, mariage, mais elle. Prends deux ailes, fais gaffe, elle risquerait de s'envoler, elle. Prends pas quatre ailes, chez elle. C'est mieux pour rouler mes frères, qu'on lui couille plus lourd que le condamnel. Car cesse de remplir cette gourde, tu vis ton SL. Car elle m'avait promis de rester là de Pâques à Noël. J'avais une bague pour elle, d'amour au pluriel pour elle. Qui était belle, celle qui m'éloigna des duels. Délinquance des ruelles, frère, je suis au bout du tunnel. Car j'ai juste besoin d'aide. Pour pouvoir planer, pour pouvoir caner. J'ai juste besoin d'aide. Après avoir purgé sa peine de 10 ans, le jeune homme autour du cou, le feu meurtrier, est sorti de prison ce matin. Mais...